من المسمود ولا تعمل راه جرح ندات من المسمود ولا تعمل راه جرح ندات يا ليلي يا راس راح ندات وراح نعرفنا الغربة صعيب راح نعرفنا الغربة صعيب Exil, exil, Darbeda, Besançon, la bonne connexion, Germinal, Germinal, L.O.G, Rachid, Rachid, Djamel, Djamel, Exil, W.O.L.F. Depuis mon enfance, j'ai su faire face à la différence. J'ai partagé d'autres cultures, j'en fais référence. Dans mes textes comme dans la vie, juste par reconnaissance. Car j'ai appris le respect ensuite, et la tolérance. Je me souviens du temps, moi j'ai tous dans le même plat. De la paella, du couscous pour toute la smala. Du temps on s'amusait tous, au laurier aux éclats. Là où on se disait, moi un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. On avait juste besoin de s'évader, tu sais de rêver. C'est pas ce qui nous manquait, nous on voulait de l'attention. Non pas des tensions, conflit de génération. Pour poser nos narrations, pour l'unisson. Pour l'unisson. Que ceux qui ont été blessés, jugés de par leur faciès, se redressent et acquiescent. Dans des dalles de loi, faut garder la foi. J'espère qu'un jour on arrivera à faire passer le message. Celui du métissage, celui qui nous inspire dans nos mixages. C'est le même qui se lit sur mon visage, le même qui nous unit. Dans le rouage du temps, endoctrinement d'une société trop terre à terre. Exilé dans mon quartier avec mes semblables, donc mes frères, on s'en bat. C'était black, blanc, beurre, jaune ici. Voilà pourquoi je vis ici, avec face ici. D'une phrase, mes faces en phase ici, mes fins ceci. Fais place à mes associés, exilés du quartier, tout fait d'une société. Pas assez représentative par son égalité. Quant à la fraternité, quand est-ce qu'elle s'applique? Je vois pas grand monde à part ma clique à se démener. Dans ce dénouement où de s'habiller n'arrête pas comme le sang coulé. Trop d'innocents écroués, perdus dans leur passé. Je me sens comme étranger dans mon propre pays. Est-ce le prix à payer quand on n'a pas grandi du bon côté? On nous dit boycotter, je préfère pas les écouter. Et faire gratter ma mine, celle qui s'illumine sur mon vécu. Le savoir de la rime, c'est le savoir de la rue. Abonnant à leur salut, salam à mes amis, amène à la famille, à ceux qui m'ont entouré, comme à ceux qui s'en sont détournés. Une pensée à tous les exilés du quartier, ce message de peine et de paix leur était adressé. Exil, exil. Exil. J'ai quitté mes montagnes d'Italie, la plaine de Varsovie, les ruines de l'ex-Yougoslavie, la Kabylie, le soleil brûlant de mon Afrique noire. J'ai quitté les femmes vêtues de noir du Portugal. J'ai quitté les rives du Mekong Santiago. J'ai quitté pour atterrir dans ton pays en France. Tu sais, 1937, 72 ou 1919, j'ai construit tes bâtiments et tes routes à neuf. J'ai monté tes voitures à la chaîne, OS enchaîné. J'ai pas lié où tu passais, gardé ma fierté, le pays dans ma tête, comme un amour avorté. J'avais pas le cœur à la fête, quand pour la haine les Français ont voté. Poussé hors du centre-ville, dans des soi-disant villes. Ma vie est une longue suite de moments pas faciles. Baraquement bidonville, c'était transit HLM. J'ai rêvé de la retraite au pays, blédi, je sais mes mots, qu'importe. Souvenirs, j'en ai que trop. Pour la première génération, un hommage au micro. Échapper à la misère, à la mort. Vouloir changer de décor. La France m'a finalement permis de déjouer mon sort. Tu m'as vu franceur, au marteau piqueur. Pilonner des heures, construisant mon bonheur. Ou du moins essayer, courbant les chines, sans se révolter. 5h du mat, c'était mon tarif journalier. Vois ce que je viens de te dépeindre, quelques bribes d'époque. Rien ne peut plus m'atteindre, j'ai bâti mon socle, mon socle. Les enfants de mes enfants ont grandi avec les tiens. Mémoire d'exil, mémoire d'oublié, ma famille me retient ici. J'y finirai ma vie, on m'enterra au pays. Mon âme fouettée par les vents, écoute l'ami, écoute. Brésil, Wolf, Charminal, ouais, LOG, ouais, Rachid, ouais, Jamel, Exil, Exil. C'est pour tous les gros, tous les croyants, tous les gros, Khorba, Saïba.